The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Architecture. L'architecture. Application. La candidature. To decide between. Départager. As. En guise de. Building. L'édifice. Worthy of attention. Digne d'intérêt. Pyramid. La pyramide. Louvre. Le Louvre. Undeniable. Indéniable. Now, a bit faster. Worthy of attention. Digne d'intérêt. Louvre. Le Louvre. Pyramid. La pyramide. As. En guise de. Louvre. Le Louvre. Architecture. L'architecture. To decide between. Départager. Building. L'édifice. As. En guise de. Pyramid. La pyramide. Worthy of attention. Digne d'intérêt. To decide between. Départager. As. En guise de. Worthy of attention. Digne d'intérêt. Application. La candidature. Louvre. Le Louvre. Architecture. L'architecture. Building. L'édifice. As. En guise de. Architecture. L'architecture. Now, use the words in context. Départager. To choose between them, we're going to ask them to write an article in contemporary art. Pour les départager, nous allons leur demander d'écrire un article sur l'art contemporain. En guise de. I'm giving you this as a thank you. C'est en guise de remerciement que je vous offre ceci. L'édifice. This beautiful structure, a symbol of the Middle Ages, attracts many tourists. Ce bel édifice, symbole du Moyen Âge, attire de nombreux touristes. Indéniable. The South of France's allure is undeniable. Le charme du sud de la France est indéniable. L'édifice. This beautiful structure, a symbol of the Middle Ages, attracts many tourists. Ce bel édifice, symbole du Moyen Âge, attire de nombreux touristes. Indéniable. The South of France's allure is undeniable. Le charme du sud de la France est indéniable.